n'aurait jamais, jamais plus mal aimé un être déchiré. Je ne veux plus, je ne peux plus de vivre dans ses pensées, les veines juste écorchées, l'âme se tourmentée. Aujourd'hui